grande difficulté chez la personne atteinte de trisomie 21, c'est le pouvoir de parler. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle a mal dans son corps, elle ne peut pas exprimer le degré, par exemple, de la douleur. Elle a du mal à comprendre. Où tu as mal, Esma? Elle a du mal à localiser cette douleur. Donc, c'est cette difficulté à exprimer qui le rend un peu nerveux. Elle n'arrive pas à faire passer son message à sa plus proche. Il y a comme un blocage. Donc, voilà. Moi, je pense qu'une prise en charge précoce, malgré que l'asthme, elle a été prise en charge à l'âge de 10 ans, mais vous savez, dans la population des enfants trisomiques, comme la population générale, il y a des gens qui se débrouillent bien, il y a des gens qui se débrouillent un peu mieux. Donc, c'est ça de musique andalouse.